Chapitre 4 Nouvelle expédition à la baie d'Hudson. Comme la navigation était encore possible, Frontenac, pour seconder les derniers exploits, enjoignit à d'Iberville de partir pour les croiser dans la baie d'Hudson. Celui-ci partit au premier jour d'août avec deux bâtiments, la Sainte-Anne et le Saint-François. Et le 24 septembre 1690, il abordait près de la rivière Sainte-Thérèse. Ici se placent différents incidents qui montrent quelles étaient l'habileté et la présence d'esprit de ce grand homme de guerre. D'abord, les Anglais voulurent le prendre par surprise. Ils lui envoyèrent des parlementaires pour fixer un lieu de conférence à l'amiable. D'Iberville soupçonna quelques ruses. Il accepta l'entrevue et fit explorer les environs par ses hommes. L'on trouva deux canons chargés à mitraille, dirigés sur le lieu fixé pour l'entrevue. D'Iberville tua les canonniers sur leurs pièces, puis se mit à la poursuite des parlementaires qu'il passa par les armes. Quelques jours après, les Anglais voulurent recourir à la force. Ils firent sortir deux de leurs plus grands vaisseaux, l'un de 22 canons et l'autre de 14. D'Iberville feignit de fuir devant eux, et ayant exactement calculé l'heure de la marée, il les attira sur la haute mer au moment où la mer se retirait. Les deux vaisseaux anglais s'échouèrent sur les rochers. Alors, avec la marée suivante, D'Iberville revint sur les ennemis et les força d'amener pavillon. Un troisième vaisseau fut enlevé par un acte d'audace incomparable. D'Iberville avait envoyé quatre hommes pour signaler les bâtiments anglais. Deux des explorateurs furent faits prisonniers. Les Anglais prirent l'un de ces hommes, qui semblait le plus faible et le moins résolu pour les aider dans la manœuvre. Un jour que presque tous les hommes étaient dans le haut de la mâture, le Canadien, n'en voyant que deux sur le pont, sauta sur une hache et leur cassa la tête. Puis il délivra son compagnon. Ensuite, armés de toutes pièces, ils montèrent sur le pont et ils couchèrent en joue les autres matelots, les forçant de venir se constituer prisonniers. Alors ils conduisirent sans délai les vaisseaux à la côte, où la cargaison fut d'un grand secours. Après ces exploits, le fort Sainte-Thérèse se trouvait privé d'une grande partie de ses défenseurs. Alors D'Iberville le fit entourer et dressa ses batteries. Il commença à canonner. Les Anglais, voyant qu'ils ne pourraient résister, mirent le feu au fort pendant la nuit, puis s'en allèrent se réfugier au fort Nelson à 30 lieues de distance. D'Iberville entra aussitôt dans le fort, et avec tant de promptitude qu'il put éteindre le feu et sauver les pelleteries, qui étaient considérables. Il laissa le fort sous le commandement de son jeune frère, et ayant chargé le plus grand de ses bâtiments, le Saint-François, avec toutes les pelleteries, il se dirigea vers Québec et entra dans le Saint-Laurent vers le milieu d'octobre 1690. Monsieur D'Iberville se trouvait vers les îles aux Coudres lorsqu'il fut hélé par un bâtiment qui venait à sa rencontre. C'était son frère, Monsieur de Longueuil, qui avait été envoyé par le gouverneur pour rencontrer les bâtiments qui venaient de France et pour les prévenir qu'une flotte anglaise assiégeait Québec et qu'il devait entrer dans le Saguenay pour se mettre à l'abri. C'est alors que M. D'Iberville apprit tout ce qui venait d'arriver. Nous croyons devoir en dire quelques mots. Nous donnerons donc le récit de M. de Longueuil à son frère, sur les événements qui avaient eu lieu pendant le séjour de M. D'Iberville à la baie d'Hudson. Québec, ancienne capitale du Canada, port très vaste, fortification importante, fondée par les Français en 1608, assiégée vainement par les Anglais en 1690. Elle resta aux Français jusqu'en 1759. Devant Québec, le Saint-Laurent a environ 1 mille de largeur, et quoique à 150 lieues de son embouchure, la marée s'y fait sentir. Québec est à la fois une forteresse, un port de guerre, un port de commerce et un vaste chantier de construction. La citadelle s'élève à 362 pieds de hauteur au-dessus du fleuve.